En signe de soutien à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire de nature autodéfensive de la République populaire démocratique de Corée, le Comité de solidarité des syndiqués autrichiens pour la réunification pacifique de la Corée a lancé le 12 une déclaration, tandis que le Comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands impacts en 2017, le Comité suisse-Corée et le Cercle d'études des études jutsiers de Suisse ont publié le 14 en commun une déclaration contre les États-Unis qui se démènent irraisonnablement, perplexes par la réussite de la Corée populaire à l'expérimentation de l'explosion de l'ogive nucléaire. Par ailleurs, le homepage internet russe Klassovaya Boliva a exalté le 14 la République populaire démocratique de Corée qui manifeste son prestige de puissance nucléaire d'indépendance.